Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone Danny Veilleux. On va ouvrir d'abord le bulletin de sport local et régional, d'abord en parlant des Saguenay de Chicoutimi. Les Saguenay qui l'ont emporté hier par la marque de 5-1 contre les Olympiques de Gatineau. Kevin Clément a marqué 2 buts et a amassé une passe. Samuel Houde a marqué 1 but et une passe. Gabriel Villeneuve a aussi marqué de même que Charles Tremblay qui a amassé une passe dans la rencontre. Ailleurs, les Huskies de Rouyn-Noranda ont gagné 3-2 sur les Cataractes de Shawinigan et ils ont perdu 3-2 sur l'Armada de Blainville-Boisbriand. Ligue senior du Lac-au-Fleuve, Delbaume-Sisnier a gagné 5-3 sur Charlevoix. Dans le match, notons qu'Olivier Duchesne a marqué 3 buts, Mathieu Michaud 1 but de passe. Les Éperviers de Normandin ont perdu 6-1 sur les Saguenay de Chicoutimi et les Marquis ont gagné 5-4 sur les Éperviers de Normandin. Tant qu'aux Sabres de Robertval, ils ont perdu 2 fois en fin de semaine, ils ont perdu 6-5 contre les Aiglons d'Alma et se sont également inclinés 7-3 contre les Saguenay de Chicoutimi. Du côté maintenant, du côté du tournoi Midget d'Alma, le Marcos Pub de Saint-Félicien a remporté leur 2e tournoi en autant de semaines. En grande finale, le Marcos Pub a défait les Saguenay de Chicoutimi 5-1. En demi-finale, le Marcos Pub avait éliminé les Marquis de Jonquière par le pointage de 4-3. Les Castors de Debeau, eux, jouaient contre les Vikings de Bécomo à Bécomo. Fiche de 500 pour la troupe de Robin William. Ils ont gagné 3-1 contre Bécomo dans le 2e match du programme double. Nicolas Genet a été le meilleur joueur des Castors avec une production de 1 but, 2 passes et défaite de 3-1 toujours contre ces mêmes Vikings. À la ronde novice de Delbaume-Mistassini, les Harfans de Beauport dans la classe Novissa ont gagné les grands honneurs en faisant l'entretien JF par le pointage de 6-1. Et en novice B, les Éperviers de Normandin ont vaincu les Blue Rockets par le pointage de 8-0. Ligue Bantam maintenant régionale. Les Rapides de Beauce-Sisney ont perdu 2-1 contre les Patriotes de Saint-Bruno. Ils ont également perdu 5-3 contre les Marquis de Jonquière. Mastouillache, les Hurricanes ont gagné 5-0 contre les Ambassadeurs de Chibougamau. Et on va parler de football en terminant. Ben, on sait que c'est la période de recrutement actuellement pour les équipes collégiales. Et Marc-Antoine Robert de Saint-Jean-d'Arc a décidé de s'aligner avec l'équipe des Gaillards de Jonquière pour la prochaine année. Marc-Antoine Robert est un joueur de ligne, un joueur qui est, semble-t-il, courtisé par plusieurs formations. Un excellent joueur au Québec. Le sport local et régional, à dans radiosport.com.